Et ça, ça me permet d'introduire et de remercier tout particulièrement Marie-France Beaudoin ainsi que ses collègues de nous avoir permis d'utiliser le travail qu'elles ont réalisé dans le cadre du cours Périnatalité et Société à l'automne 2009. Donc, on a tiré beaucoup d'informations de ce travail-là pour notre émission d'aujourd'hui. D'abord, il faut souligner que le premier enfant né par fécondation in vitro était Louise Brown en juillet 1978. Donc, ça remonte quand même à un certain temps. Depuis ce temps-là, il y a des milliers d'enfants qui sont nés grâce à la procréation médicalement assistée. Actuellement, l'âge moyen de la mère qui a son premier enfant est en augmentation. Les couples ont des enfants de plus en plus tard pour diverses raisons. Mais on sait que la fécondité diminue déjà chez la femme entre 24 et 25 ans et vraiment de façon beaucoup plus marquée à partir de l'âge de 35 ans. Le pourcentage des couples qui éprouvent des difficultés à avoir des enfants s'élèverait à peu près à entre 8 et 15% dans les pays qu'on dit développés. L'infertilité serait exclusivement féminine dans 30 à 40% des cas et masculine dans 40% des cas. Mais il faut souligner qu'environ un tiers des cas, les deux membres du couple sont impliqués dans les causes d'infertilité. Cependant, l'infertilité demeure inexpliquée dans environ 5 à 10 % des cas. Donc, on sait que le corps humain est une machine assez complexe. Les statistiques de réussite des cliniques de fertilité sont difficiles à analyser parce que toutes ces cliniques qui œuvrent en général dans le privé avant cette année, on va en parler plus tard, n'utilisent pas nécessairement les mêmes données ou les mêmes statistiques comparatives. Donc, il y a plusieurs publicités qui sont souvent trompeuses, affichant des taux de succès qui reflètent peu ou en tout cas pas tout à fait la réalité. Il y a aussi, on voit là, que les statistiques sont réellement navrantes. Les données de la Société canadienne de fertilité d'andrologie indiquent que le taux de naissance vivante issu de l'ensemble des techniques de procréation assistée était de 21,2% en 2001, ce qui est quand même assez faible. C'est donc dire que plus du quart des couples et des femmes ayant fait appel à la procréation assistée n'ont pas eu l'enfant tant désiré et tant attendu. Par rapport aux cliniques de procréation assistée, il y en a des privées. Il y a aussi maintenant aux services publics des services qui sont offerts, mais qui sont quand même restreints, puisque à partir du 5 août 2010, le gouvernement du Québec a investi dans le programme d'accessibilité gratuite à la procréation médicalement assistée. Par rapport aux cliniques privées, justement, il est impressionnant de voir les coûts de toutes les étapes du processus. Il faut se rappeler qu'avant août 2010, c'était uniquement accessible dans le privé. Donc, pour les femmes, les couples qui tentaient qui faisaient appel à ces techniques-là, par exemple, l'ouverture d'un dossier pouvait coûter jusqu'à 250 $, un bilan endocrinien 180 $, un dosage hormonal 60 $, un spermogramme 150 $, une insémination avec le sperme du conjoint 250 $, la fécondation in vitro d'un embryon 5 500. Mais ça, c'est sans compter aussi tous les autres tests sanguins qu'il faut repasser et repayer à chaque fois, plusieurs autres tests qui s'inscrivent aussi dans cette démarche-là. Donc, on sait que c'est très onéreux pour les femmes et les familles, les couples qui ont recours à la procréation médicalement assistée. Si on considère qu'il faut parfois plusieurs essais avant que ce soit fructueux, la facture peut monter très rapidement. Tout cela fait en sorte que la procréation médicalement assistée est accessible seulement à un groupe restreint au sein de la population, donc des gens qui ont quand même les moyens. Mais comme on en a parlé au début de l'entrevue, vous savez que depuis le 5 août, maintenant, les femmes et les couples ont accès à la procréation médicalement assistée gratuitement. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Sur le site de Radio-Canada Internet, on pouvait lire en date du 21 octobre 2010, soit 2 mois et quelques après le début de ce programme, 2 mois seulement après l'entrée en vigueur, le programme de procréation assisté couvert par le régime de l'assurance maladie du Québec subit les effets pervers de son succès. La demande est tellement forte pour le programme que les médecins chargés de la fécondation ne pourraient bientôt plus offrir leurs services gratuitement. On affirme que 3500 interventions de fécondation in vitro ont été prévues pour l'année 2010-2011 au Québec. Cependant, les médecins qui pratiquent ces interventions ont un quota maximal de rémunération trimestriel. Ce qui ne veut pas dire qu'à date, pour l'année 2010-2011, on a atteint les 3500 interventions. Seulement, ces médecins-là peuvent pratiquer un nombre maximal d'interventions par trimestre pour être rémunérés. Donc, certains médecins pourraient décider de quitter le système public pour aller pratiquer au privé, puisqu'ils atteignent trop rapidement leur quota dû vraiment à l'engouement programme public. Le président, d'ailleurs, le président de l'Association des obstétriciens pardon, et gynécologues du Québec, Robert Sabat, affirmait que soit les médecins arrêtent de travailler et prennent des vacances, ou bien ils se désaffilient et se désengagent de l'assurance maladie du Québec. Donc, les patientes seront donc aussi confrontés à deux choix, attendre encore plus longtemps ou payer. Le ministre de la Santé du Québec, Yves Bolduc, promet d'intervenir. Ce sont des choses qu'on va ajuster. Les couples vont continuer à recevoir les services, assurait-il. Le ministre Bolduc estime que son programme coûtera 32 millions de dollars la première année, soit en 2010-2011, et 80 millions de dollars à long terme. Toutes les femmes qui auront accès à ce service jusqu'à la période de la ménopause. Il faut noter que le gouvernement n'interdit pas l'implantation de plus de 2 embryons, mais la chose doit être justifiée par écrit au cas par cas. En fait, le gouvernement a limité le nombre d'embryons à 2 pour diminuer les risques de grossesse multiple, qui entraînent en général des risques accrus pour la santé des mères et des bébés. Parce que dans le privé, en général, les femmes se font inséminer environ 3 à 4 embryons par fécondation à la fois. Cependant, on sait qu'un risque demeure palpable, même si avec le programme du gouvernement, même s'il y a eu juste 1 ou 2 embryons qui sont implantés, dû à la stimulation hormonale qui a été faite subséquemment, il y a quand même un risque de grossesse multiple. Donc, voilà. Sur le site du ministère de la Santé, sur Portail Québec, justement, on peut voir les grandes lignes du programme de procréation médicalement assistée, le programme public. Le programme de couverture des traitements de procréation assistée permet aux couples et aux femmes infertiles d'accéder gratuitement, selon certaines conditions, à un certain nombre de services. Les objectifs du programme sont de protéger la santé des personnes qui ont recours à des activités de procréation assistée, ainsi que celles des enfants qui en sont issus, de favoriser les meilleures pratiques dans le domaine de la procréation assistée, d'assurer la conformité aux principes éthiques propres au secteur de la santé et des services sociaux, puis finalement de soutenir l'amélioration continue de ce type de service. Mais maintenant, quelles sont les subventions ou les prestations qui sont accordées? Bien, en fait, il y en a deux types. Il y a pour les cycles stimulés, le gouvernement couvre 3 cycles stimulés de fécondation in vitro, qui produisent plusieurs ovules et plusieurs embryons en général, et l'implantation 1 à 1 de chaque embryon autant de fois qu'il y a d'embryons. C'est ce que le programme va couvrir, défrayé gratuitement. Pour les cycles naturels, donc le programme couvre jusqu'à 6 cycles naturels qui produisent généralement un seul embryon de la fois. Donc, ces services-là, c'est des services de troisième ligne et les services de fécondation in vitro, ils sont disponibles aux endroits suivants. Donc, au centre hospitalier universitaire McGill, soit à l'hôpital Royal Victoria. Sinon, c'est dans des cliniques privées qui ont eu des accords avec le gouvernement, soit la clinique privée OVO à Montréal, le centre de fertilité de Montréal et la clinique privée Procréa à Québec. Donc, actuellement, à l'heure actuelle, il y a seulement à Montréal ou à Québec où on peut avoir recours dans le public à la fécondation in vitro. C'est sûr que le gouvernement dit qu'actuellement, c'est une période transitoire, justement, puis que éventuellement, il veut assurer un accès équitable à tous les couples et les femmes du Québec. Donc, il voudrait implanter ces services-là dans toutes les régions du Québec. Qui a accès, finalement, qui est la clientèle cible, qui a accès gratuitement à ces services? Mais en fait, c'est les couples infertiles dont la femme est en âge de procréer et toutes les femmes en âge de procréer, qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles. Donc, les conditions justement pour être admissible, c'est que la femme ou le conjoint soit infertile, que la femme est incapable de concevoir un enfant sans l'aide de la technique de procréation médicalement assistée, ou que l'une ou l'autre des personnes qui sont admises au régime, faut qu'une des personnes du couple soit justement admise au régime d'assurance maladie du Québec. Bien, pour conclure, je ne détiens aucunement la vérité sur tout le débat, mais on sait que justement le programme public a suscité des débats au sein de la société. On peut se demander à l'heure actuelle, notre système de santé québécois connaît des graves problèmes financiers. Donc, on peut se questionner à savoir est-ce qu'il y avait vraiment les moyens de se payer des services de procréation médicalement assistée. Mais d'autre part, on sait que l'accès justement à la PMV pour des gens qui n'en avaient pas les moyens avant, maintenant constitue un outil inestimable pour la réalisation d'un grand rêve. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Alors voilà, il reste beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est vraiment vaste. On va accueillir maintenant Maude Côté, qui est étudiante au bac en pratique sage-femme de l'UQTR en première année et avec qui on va continuer à explorer le sujet. Bonjour Maude. Bonjour Véronique. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Mais en fait, j'aimerais vous parler d'un article que j'avais lu l'automne passé. Alors, je peux commencer en disant que je suis pas du tout une experte là, à propos de la procréation médicalement assistée, mais j'étais curieuse d'en apprendre plus, puis c'est ça, j'ai eu la chance de lire un article que j'avais trouvé très intéressant, puis alors j'avais envie de vous le partager. Alors, l'article il est intitulé « Techniques de reproduction artificielle et demande d'enfants, quels enjeux actuels? » Puis, en gros, la thèse de l'auteur, c'est que les méthodes de procréation assistée ont eu pour effet de changer le comportement des couples et de constituer de nouveaux enjeux. De quels enjeux on parle exactement? Lui, il parle de 4 enjeux. Premièrement, à propos de ce que ça change au niveau du désir d'enfant. Ensuite, deuxièmement, à propos de la législation qui doit accompagner les techniques. Troisièmement, des conséquences sur l'enfant. Puis quatrièmement aussi, sur les nouvelles questions éthiques à propos de l'embryon là, que ça nous pose. Justement, qui est l'auteur de cet article? Il s'appelle Maurice Adjiman. C'est un chercheur français qui a réalisé des enquêtes sur les couples utilisateurs de la fécondation in vitro. Puis lui, il a aussi écrit sa thèse de doctorat en philosophie à l'Université Paris 10. Puis son sujet de thèse, c'était justement les problèmes éthiques des procréations médicalement assistées. Donc, pour l'article là, que je vais vous parler aujourd'hui, lui, il a utilisé des données qu'il avait recueillies lors de ses enquêtes. Puis dans son article, il avait aussi utilisé vraiment la réflexion qu'il avait développée dans le cadre de sa thèse en philosophie. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que la procréation assistée change, selon lui, sur le désir d'enfant? Oui, au début, c'est ça, il s'interroge sur le désir d'enfant lui-même. Alors, il constate que c'est quelque chose qui a toujours existé. Alors que c'est pas seulement quelque chose de vraiment de moderne, qu'avec les méthodes de contraception qui ont amené les gens à vouloir des enfants. Fait qu'il dit que même si avant, tu sais, on disait que les femmes n'avaient pas le choix d'avoir des enfants, mais il dit que le désir d'en avoir a toujours été là, il était toujours présent. Donc, je vais pas aller dans le détail par rapport à vraiment les raisons qui font que les gens veulent des enfants. Là, lui, il en parlait quand même dans l'article. Mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter l'émission qu'on avait fait l'automne passé, la première émission là, à connaître ensemble, qu'on avait fait sur « Pourquoi veut-on des enfants? » Bon. Émission très intéressante, oui, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Alors, on va revenir à la procréation médicalement assistée. Qu'est-ce que ça vient changer pour le désir d'enfant? Alors, je vais vous lire un passage de l'article, je pense, parce que c'est très, très intéressant ce qu'il dit à ce moment-là. Alors, il dit « L'infécondité, d'une part, et les preuves de la fécondation in vitro, d'autre part, ne sont pas sans modifier le désir d'enfant. L'infécondité crée un manque considérable, ce qui a pour conséquence de faire ressentir aux couples inféconds qu'ils sont différents des autres. Alors que chez les couples féconds, le désir d'enfant vient récompenser une union réussie et leur permet de choisir le moment de la conception, il devient, pour les couples inféconds, une obsession réactivée à chaque cycle quand le retour des règles vient confirmer qu'il n'y a pas eu de fécondation. Une idée les poursuit et revient comme un leitmotiv. Nous l'avons retrouvé dans les deux enquêtes que nous avons menées. Sans enfant, la vie n'a pas de sens. Alors, il continue ensuite en disant que l'infécondité, en raison du manque qu'elle véhicule, amplifie le désir d'enfant au point d'en faire l'unique préoccupation du couple et d'organiser leur vie en fonction de la recherche à le satisfaire. Alors, avant la fécondation in vitro, une fois épuisés les procédés médicaux classiques, le travail du deuil et de l'acceptation de la stérilité était l'attitude la plus répandue chez les couples demandeurs, qui, nombreux, se tournaient vers l'adoption. Mais la fécondation in vitro a introduit une rupture profonde dans cette attitude de résignation, puisqu'elle offre une solution possible à ce qui paraissait impossible à obtenir par la conception naturelle. Alors, elle désolidarise fécondation et sexualité, et elle permet d'intervenir sur un processus qui se produit habituellement à l'abri du regard et au plus profond du corps de la femme. Alors, c'est ça, ce qu'il nous dit, c'est que ça, toute la vie des gens qui font appel à ces techniques-là, mais la vie peut vraiment venir qu'à tourner autour de ce désir d'enfant-là. Puis, bon, l'auteur ajoute aussi qu'il y a de nombreux autres impacts, par exemple... justement, dans un couple, ça peut être très difficile à vivre, là. Puis le désir d'enfant, il peut venir prendre toute la place, tout le reste se trouve mis de côté. Le traitement hormonal entraîne aussi ces difficultés. Puis avec tout ça, les couples peuvent avoir l'impression que tout tourne autour de ça. Puis en plus, on ne sait même pas si ça va vraiment fonctionner. Alors, mais ça, je pense qu'on va en parler un peu plus tard avec Marie-France, là, avec son expérience. Mais en tout cas, selon l'article, 30% environ des couples y abandonneraient après la première tentative parce que c'est trop difficile, là, justement. Puis, en plus, pour les personnes chez qui c'est pas concluant, en plus de subir toutes les interventions puis de se sentir toujours en attente d'un enfant, les répercussions psychologiques semblent souvent être très sévères, même plusieurs années après l'année des tentatives. Mais ça, bon, on n'en parle pas beaucoup. Donc, justement, pour avoir lu cet article qui était fort intéressant, dans la deuxième partie de son article, l'auteur, justement, traitait de la structure qui doit entourer la procréation médicalement assistée, c'est ça? Oui, exactement. Mais bon, en fait, je ne vais pas vous parler longtemps de cette partie-là. En gros, il se questionnait par rapport à s'il faut légiférer sur l'accès aux techniques de reproduction assistée ou s'il fallait laisser les couples assumer eux-mêmes tout seuls leurs responsabilités parentales. Alors, lui, il ne donne pas vraiment de réponse, puis nous, je pense qu'on n'en donnera pas non plus, mais il dit vraiment qu'il y a deux manières de le voir. Soit c'est la famille, puis l'évolution démographique, on dit que c'est une affaire dont l'État doit s'occuper, ou soit on dit que c'est la vie privée des gens, donc c'est eux-mêmes qui doivent accepter leurs responsabilités devant l'enfant à naître, puis devant aussi avec tout le processus de procréation assistée. Donc, puis je pense que tantôt, Véronique t'a exposé quand même assez bien la réponse québécoise à la question. Mais bon, avec ça, il reste encore beaucoup de questions, notamment par rapport à la responsabilité procréative. Au Québec, il y a une législation qui l'encadre, mais il y a beaucoup de flou aussi à propos de ça quand même, parce que des fois, bon, les enfants nés des couples ayant eu des problèmes génétiques peuvent eux-mêmes être affectés de certaines maladies ou ils peuvent être infertiles eux-mêmes. Alors, les parents, là, ils doivent décider avec tout ça ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent concevoir un enfant quand même en sachant ça? Alors, ça pose beaucoup là, de problèmes éthiques autour de ça. Oui, vraiment, c'est des grandes questions éthiques. Justement, je pense que la troisième partie de l'article traitait de l'impact, justement, sur les enfants. Oui, exactement. Il parle aussi beaucoup, justement, du diagnostic préimplantatoire. Puis, il se pose aussi la question à savoir la réaction sur le plan psychoaffectif qu'auront les enfants ensuite. T'sais. Quand ils vont grandir, ils vont se rendre compte de comment eux sont... Mais ils ont pu être conçus. Puis des fois, ça peut amener un peu... L'auteur parle un peu de questions existentielles, là, d'où je viens, pourquoi mes parents ils me voulaient, puis tout ça. Puis que ça pourrait être un peu plus intense pour ces enfants-là que pour d'autres enfants, là, puis tout ça. Puis ensuite, bon, Il embarque dans l'article sur des questions sur le statut de l'embryon et tout ça. Puis ça, c'est un sujet que je ne suis pas prête à lancer aujourd'hui. Mais je pense que vous pouvez... Je vous invite fortement à lire l'article complet, là, qui est très intéressant. Il fait un bon portrait de ça aussi. Alors, je vous rappelle que c'est un article qui s'appelle « Techniques de reproduction artificielle et demande d'enfants, quels enjeux actuels? » Ça a été publié aux presses de l'Université Laval en 2009. Puis, l'auteur, c'était Maurice Adjiman. Mais merci infiniment, Maude. On voit que c'est un sujet qui est très vaste, puis au niveau philosophique aussi. On a soulevé différentes... justement, différents aspects éthiques et tout ça. Reste à voir. On a dit que la première procréation, premier enfant né en procréation assistée était en 79. On sait que déjà, il y en a eu vraiment beaucoup. Donc, on va voir aussi. Je pense qu'il n'y a pas encore eu de chercheurs qui ont travaillé vraiment... Ben, je veux dire, qui ont pu avoir des statistiques sur la réalité de ces enfants-là. Donc, je pense que ça va être intéressant dans l'avenir de voir évoluer tout ça. Donc, merci vraiment encore une fois, Maude, d'être venue nous parler de la procréation médicalement assistée, plus particulièrement de cet article-là. On a abordé plusieurs aspects de la procréation médicalement assistée et on va aller plus au cœur d'une expérience personnelle en recevant Marie-France Beaudoin qui va nous justement parler de son expérience. Puis, elle est étudiante au bac en pratique sage-femme de l'UQTR. Mais juste avant, on va souffler un peu avec une petite pièce instrumentale qui s'appelle Zola à vélo de Jim Corcoran sur l'album Portrait. C'est une pièce instrumentale. Ensuite, ce sera suivi d'une pause publicitaire. Des chroniques cinéma, littéraire et plus encore. Tous les mercredis après-midi, prends ta dose! Pas une patate. Une petite tape et v'là des queues pour les... Yo, dude love, ça a pas de l'air d'aller, toi? Wow, là, il a fallu que je lâche ma job. Hé, hey, comment ça? Parce que j'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage requis, c'était l'émission matinale en pièces détachées. Fait que j'ai déduit que l'émission devait être annulée puis que c'est rendu des chroniques tout le long de la journée. Mais j'aime tellement ça, cette émission-là. Fait que je sois disponible pour l'écouter, hein? Ah, pièces détachées, c'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage requis. Hein. Ça reste une émission de deux heures, hein. Je te suis pas pantoute, là. Ben, c'est... laisse faire, là. Ah, attends un peu, là. Ça me revient. J'ai laissé ma blonde pour ce show-là. Assemblage requis, avec F.O. et Mathieu, du lundi au jeudi de 7h à 9h. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour le déclic tous les dimanches à partir de 19h pour une heure remplie de bonne musique exotique. Afrobeat, reggae, dancehall, zouk, le déclic tous les dimanches à partir de 19h. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont votre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Très c'est fou dans vos oreilles. 89.1. Vous êtes de retour à C'est fou 89.1 FM à l'émission Connaître ensemble, une émission sur la périnatalité par les étudiantes du bac en pratique sage-femme de l'UQTR. Aujourd'hui, on aborde le thème de la procréation médicalement assistée, mais avant de poursuivre, je voudrais rectifier. En fait, j'ai dit que en 79, le premier enfant né par procréation médicalement assistée était né. En fait, c'est par fécondation in vitro. Alors, je m'excuse de ce lapsus. Donc, en deuxième partie de l'émission, on a le grand plaisir d'accueillir en studio Marie-France Beaudoin, qui est étudiante au bac en pratique sage-femme à l'UQTR et qui est la maman d'une belle petite fille et qui a eu elle-même recours à la procréation médicalement assistée, qui vient nous parler de son expérience. Alors, bonjour Marie-France. Bonjour. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venue ce matin. En fait, je sais que tu as fait appel à la procréation médicalement assistée l'année dernière, je pense. Il y a deux ans. Il y a deux ans. Oui. Mais en fait, toute l'aventure a débuté bien avant ça. Hein. On parlait tantôt du désir d'enfant. Alors nous, le désir d'enfant, il est né quand moi j'avais 35 ans, donc un peu sur le tard. Et un an avant, j'avais arrêté de prendre ma pilule pour me dire, ben ça va cliner mon corps un peu, puis je vais être prête, mon corps va être plus prête à concevoir. Et bon, on a essayé naturellement, évidemment, sans se soucier trop de quand on avait des relations, on faisait comme normalement, comme un couple normal. C'est sûr qu'on a ça en arrière de la tête. Hein, on se dit la première fois qu'on ne prend pas de condom, on dit oh, peut-être que. Mais finalement, il y a des oh, peut-être que ça a duré deux ans et demi. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, c'est une aventure de deux ans et demi qui a évidemment eu ses hauts et ses bas, plus de bas que de hauts. Hein. Donc, nous, on a commencé. En fait, il faut savoir qu'on dit qu'un couple est infertile quand ça fait 12 mois qu'on essaie de façon naturelle d'avoir un enfant, puis que ça ne fonctionne pas. Donc, nous, quand même, au bout de 6 mois, moi, j'ai été consulter mon médecin. Moi, je savais, en tout cas, je me doutais que j'étais correcte, mais pour faire passer un spermogramme à mon conjoint, si déjà on le sait, dans le fond, que, je sais pas, moi, par exemple, le sperme de mon conjoint n'est pas bon, ben on va plus savoir où on s'enligne dans tout ça. Et son sperme était correct. Mais mon médecin nous a quand même référé à une clinique publique de procréation médicalement assistée qui était dans la région de Sherbrooke, donc au CHU, pour être plus précisément au CHU. Et puis là, bon, ben là, t'appelles avec tous tes espoirs, puis tu dis j'aimerais savoir un rendez-vous. Parfait, madame, on prend votre nom en note. Le temps d'attente est à peu près 12 mois. OK. Donc, t'es pas considéré infertile avant que ça fasse 12 mois. Puis après ça, il faut que tu attendes 12 mois. Fait que, ben, t'es pas obligé, évidemment, tu peux sortir de l'argent de tes poches puis aller dans le privé. Donc, dans le privé, ben, chacun des tests sanguins que tu fais, en plus des coûts des médicaments et tout ça, l'essence que ça prend, parce que c'est souvent pas dans ta ville, faut que tu aies à Montréal ou à Québec. Je pense que maintenant, dans la région où j'habitais à l'époque, il y a une clinique Procréa qui est là, mais à l'époque où moi, j'ai commencé ça, il n'y en avait pas. Donc, nous, on allait dans la région de Sherbrooke. Mais on a été chanceux, ça a pris que 4 mois. Bon, c'est sûr qu'ils nous mettent sur une liste d'attente, puis il y a des couples qui sont là, puis si les couples tombent enceintes, On peut dire que c'est le couple, hein, après tant d'efforts. Que quand les couples tombent enceintes, ben c'est ça. Moi, j'étais chanceuse. Je pense que ça a bien fonctionné dans cette période-là. Plusieurs couples sont tombés enceintes et on a eu une place plus rapidement. Fait qu'on a commencé. Donc, ils font tous les tests d'usage. On voulait savoir si mes trompes étaient bouchées. Donc, on fait un test. Mais ça aussi, dans le privé, normalement, tu payes pour ça ou tu essaies d'aller voir ton médecin pour qu'il te fasse passer le test. Mais bon, fait que j'ai passé ces tests-là, tout était normal. Mais il y a toujours des délais, parce que là, quand tu prends un rendez-vous, puis là, t'attends le mois d'après, puis là, il faut que tu sois dans telle période de ton cycle. Et puis là, tu peux avoir ton rendez-vous. Donc, c'est ça. Donc, ça s'est étiré tout ça sur 2 ans et demi. On a commencé par la stimulation ovarienne, tout simplement. Donc, c'est la prise, il y a 2 médicaments. Il y a le tamoxifène et puis le clomide, qui sont les plus utilisés. Moi, mon médecin a commencé décidé de me commencer sur le clomide. Donc, tu fais un mois, tu fais la chose intensément quand tu es dans ta période d'ovulation et tu te croises les doigts et non. Bon, on a les règles. Le mois d'après, on reprend encore la médication. Donc, moi, ça a été comme ça pendant 3 mois. Et puis là, j'ai commencé à avoir de sérieux problèmes, finalement, j'avais une réaction au médicament. Il a fallu que je cesse de prendre ce médicament-là. Il y avait beaucoup trop d'effets secondaires chez moi. Et on a attendu 4 mois avant de reprendre. Un, parce qu'émotivement, le médicament m'avait effondré. Et aussi, parce qu'il faut cliner le corps, laisser le temps au corps. Fait encore du temps. Mais bon, oui, le temps qui passe, puis qui fait que t'as pas plus d'enfants, puis des non, pas puis le désir d'enfant, lui, est encore là, puis il est encore plus élevé, comme il disait tantôt dans l'article. Oui, je voyais tes battements de tête qui affirmaient que à chaque fois que les règles surviennent, finalement, c'est le rêve qui s'en va un peu. Donc, je te laisse poursuivre. Tu disais qu'après ça, ça l'a pris 4 mois avant que tu puisses entreprendre d'autres démarches. Oui, fait qu'il faut rappeler, reprendre un rendez-vous, ça prend quelques mois. Puis là, on a commencé sur une nouvelle médication, donc l'autre, le tamoxifène. Et finalement, au bout de le 2e mois, on a dit, OK. On nous avait parlé de d'autres techniques qui existaient. Eux autres, ils appelaient ça le protocole court. Donc, le protocole court, c'est la prise en charge de l'ensemble du cycle. Donc, il n'y a pas juste les hormones pour ovuler qui existent. Il y a des hormones qui servent à détruire le corps jaune, pour que l'ovule se transporte et tout ça. Donc, il y a vraiment toutes sortes d'hormones impliquées dans le cycle menstruel. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que, c'est des injections. Donc, si jamais vous avez déjà entendu parler des certaines femmes qui se sont piquées, c'est ça. C'est en fait un protocole court où on commence encore avec la stimulation ovarienne. Rendu à X jours, on s'injecte. On injecte des hormones, c'est ça? Ouais, okay. Ouais, un autre type d'hormones. Moi, j'ai été très chanceuse. Et puis, suite à ça aussi, il y a des inséminations qui existent. Donc, ils prennent le sperme de mon conjoint. Ils vont aller le nettoyer, qui appelle. En fait, ils le passent à la centrifugeuse et ils vont aller extraire les meilleurs nageurs. Et ils vont faire une insémination directement dans l'utérus. Donc, ils mettent une espèce de petite paille et ils injectent le sperme du conjoint. Ah, c'est bien le fun. Il offre aussi au conjoint s'il veut pousser sur la seringue pour s'impliquer dans le processus. C'est drôle, mais c'est bon. Ça peut plaire à certains couples. C'est ça. Ça peut avoir du sens pour l'impression de prendre part au processus, si on veut, là. Donc, c'est ça. Donc, nous, on a eu quand même quelques inséminations. Il y avait quand même des frais au public pour ça. Donc, ils nous chargeaient un 75 $ pour passer le sperme à la centrifugeuse. Mais le sperme aussi, c'est... Tu sais, on disait aussi pour le couple, ça devient difficile. C'est que la journée où tu ovules, parce que tu fais des tests d'ovulation, c'est le branle-bas de combat, là. Il faut que ton chum s'en aille à l'hôpital à 7 h le matin pour mettre sa semence dans un petit pot. Aller porter le petit pot au laboratoire. Là, on est déjà arrivé une journée où il n'y avait personne au laboratoire cette journée-là pour nettoyer le sperme. Alors, t'imagines comment tous tes espoirs arrivent, tu vas porter ton petit pot. Non, ce matin, la fille de la dame qui fait le nettoyage du sperme est malade. Fait que la madame n'est pas là. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. T'sais. C'est sûr qu'au privé, ça ne serait peut-être pas arrivé, mais au public, c'est la réalité. Finalement, ils ont trouvé quelqu'un d'autre, mais le sperme est bon pendant une heure. Il faut que tu le gardes au chaud. C'est ça. Et c'est bon pas très heure. Intéressant dans un hôpital faire la chose. Non, en effet. Ça demande quand même un effort du conjoint. Bon, c'est un moindre effort, il n'y a pas de médicaments à prendre, mais bon, ça aussi, tu peux y aller à deux, mais c'est pas très inspirant à une toilette d'hôpital. Là. Non, on peut comprendre, c'est pas très romantique. Non, pas très romantique. Donc, justement, après quelques... Donc, après qu'on a commencé le protocole court, normalement, ils font le protocole court quand tu arrives à ton ovulation, tu t'en vas à l'hôpital pour faire inséminer. Ils le font 2 jours de suite. Bon, nous, on tombe un vendredi. Samedi, dimanche, il n'y a pas, en fait, d'insémination qui est faite. Ils sont en congé. Hein? Ils font ça du lundi au vendredi. Fait que ton ovulation, ça tombe un vendredi, ben tu vas avoir une insémination. Mais nous autres, la grande chance, ça a fonctionné. Donc, la première fois qu'on a fait le protocole court, ça a fonctionné. Il faut savoir aussi que les cycles de stimulation ovarienne, on limite souvent autour de 6 parce qu'il y a des risques de cancer des ovaires. Nous, on avait fait 4, on avait fait 3, 4, 5, là, c'était le 6e. Donc, j'achevais là, sur ce que je pouvais faire. Est-ce que la pression, justement, était grande? En fait, cette fois-là, c'est bizarre. On avait comme un lâcher-prise. On riait. On était calme. Bon, vous allez me dire, oui, c'est ce qu'il faut. Mais on ne s'était pas programmé ce matin-là. On était juste comme joyeux ce matin-là. Puis ça s'est bien passé pour nous. J'étais beaucoup plus relaxe que les autres fois. Peut-être parce que, je ne sais pas, je savais que c'était la première fois qu'on faisait le protocole court. Puis il y avait comme quelque chose qui s'était renouvelé dans mon espoir, dans notre espoir de couple. Puis on était joyeux et particulièrement relax cette journée-là. Ouais. Puis bon, ben ça fonctionnait. Ils disent tout ça, hein, lâche prise, puis ça va arriver. C'est facile à dire, mais bon. Ouais, mais il faut savoir aussi que moi, j'attendais, avant de m'inscrire au bac sage-femme, j'attendais d'avoir un enfant. Puis je me disais, je vais être une meilleure sage-femme si j'ai un enfant. Et là, je m'étais inscrite au bac sage-femme en disant, ben tant pis, j'avance pareil dans la vie. Et puis, bon, qu'est-ce qui est arrivé? Les surprises de la vie. Donc, c'est ça. Donc, tu as été acceptée au baccalauréat, puis peu de temps après, enceinte ou c'est l'inverse? Non, j'ai su que j'étais acceptée. On avait eu l'insémination. J'ai su que j'étais acceptée au bac autour du 2 mai. Et une semaine après, jour pour jour, j'apprenais que j'étais enceinte. Alors là, juste l'annonce que j'étais acceptée au bac, j'étais « Wouhou! » Puis là, la deuxième semaine, là, mon cœur va exploser de bonheur. Ça fait tellement longtemps que t'attends. Puis les deux sont arrivés en même temps. Ouais. Ah, wow! Deux grandes nouvelles dans la vie d'une femme. Ouais. Donc, est-ce que tu peux, je veux dire, tu l'as abordé un peu en survol. Quels ont été les impacts sur ta vie à toi, personnelle, puis sur celle de ton conjoint aussi, puis en tant que couple, comment ça s'est vécu, tout ce processus-là? Ouais, c'est difficile d'avoir à gérer la déception à chaque mois. Mmh. Quand ça fait, tu vois, ça vient encore me chercher. Beaucoup d'émotions. À chaque fois, c'est un peu comme le rêve qui s'en va, j'imagine. Oui. Puis moi, ce que je trouve vraiment difficile dans ça, c'est que il n'y a pas juste nous. Les couples n'ont pas de support pour vivre ça. Et c'est très difficile. Ouais. Il en reste des impacts, on le voit. Je pensais pas pleurer ce matin. c'est très correct. Puis oui, justement, je pense que tu soulèves un point vraiment important. Vous faites toutes ces démarches-là, c'est très médicalisé. Tout est coulé selon l'horaire, les ovulations, tout ça, tout le stress, la pression. Des interventions médicales, mais en même temps, tout le côté humain est un peu occulté là-dedans, finalement. C'est ce que je comprends dans ton La petite témoignage. Magie de « je vais faire l'amour avec mon conjoint », là, c'est comme Non, elle n'est plus là. Ouais, ouais. Ouais, ça prend quelque chose pour redémarrer. Puis c'est pas la grossesse qui aide. Et c'est pas avoir un enfant, un jeune enfant non plus. Mais heureusement, on se tient, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crainte de ce côté-là. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est des épreuves. Oui, qui sont difficiles. Mais écoute, la joie est aussi grande. Là. Oui, mais j'imagine aussi que ça l'éprouve un couple aussi dans tout ce processus-là. Parce que j'imagine moi, j'ai connu des couples qui se sont séparés dans ce processus-là. Alors, comme couple, tu dis, on est prête à concevoir un enfant, puis dans toutes ces difficultés-là, les couples, il y a aussi des couples qui se défont. Vous allez me dire, c'était pas des couples qui étaient solides. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, ça devient très profond parce que, la stimulation ovarienne fait varier les humeurs beaucoup. Donc, la femme est un peu plus à cran, plus sensible, donc pleure plus souvent. Le gars, il faut qu'il ramasse sa blonde, mais lui aussi, il vit des choses puis des déceptions là-dedans. Mais il n'y a personne qui... C'est difficile d'en parler comme couple. On le faisait, nous, heureusement. Puis on amenait beaucoup d'humour là-dedans. Tu sais, c'était notre façon de s'en sortir. Mais au plus profond de nous, on est blessés. Oui. Et donc, pour chacun des couples qui vivent ça, et il y en a beaucoup... Il n'y a pas vraiment de support, tu sais. Ils pourraient, par exemple, au CHU, à cette clinique-là, faire des groupes de parents qui pourraient s'entraider, en parler. Ceux qui ont réussi pourraient continuer d'encourager les gens. Ça n'existe pas. En fait, il y a une association des couples infertiles au Québec. Mais c'est pas local. C'est pas des rencontres un à un en face de d'autres couples qui ont vécu ces difficultés-là. Donc, moi, je trouve que ça, c'est un grand manque. Si j'avais une suggestion à faire, ce serait justement de créer des groupes comme ça. Ça aiderait aussi au processus de fertilité, je suis sûre qu'une petite portion, là. Oui, probablement. Puis de pouvoir en parler avec d'autres couples qui vivent justement exactement la même chose. Ouais. Souvent, c'est aidant aussi. Ouais. Alors, si le CHU de Sherbrooke nous écoute, on lance l'idée. C'était une merveilleuse équipe, d'ailleurs, l'équipe du docteur Hamlek, avec une infirmière qui s'appelait Geneviève. Je sais qu'elle n'est plus là aujourd'hui, mais c'était une belle équipe. En fait, c'est ça, tu nous as parlé du soutien qui est pas là. Est-ce que ton expérience concordait avec tes attentes, dans le sens quand vous avez commencé le processus, que tu pensais que ça allait être comme ça? Est-ce que tu connaissais des gens aussi dans ton entourage qui l'avaient fait, ou pour toi, c'était, vous avez avancé, toi et ton conjoint, au fur et à mesure des étapes, en y allant un peu? Moi, nous autres, on est allés un peu à tâtons. C'est sûr que moi, comme future étudiante sage-femme, j'étais accompagnante à l'époque. Il y avait quand même certaines notions que j'avais que peut-être monsieur, madame, tout le monde n'ont pas, tu sais, sur le cycle ou aussi sur le fait de faire attention à l'aspect médical qui vient prendre toute la place, là, tu sais. Moi, j'avais quand même un souci. J'étais consciente de ça avant de commencer. Mon chum l'était pas. Écoute, la première fois que tu vas là, ton chum est dans le bureau du médecin, puis le médecin te fait un examen gynécologique. On s'entend-tu que d'habitude, quand tu vas chez le médecin... Ton chum n'est pas là. Fait que ça commence déjà à dire, OK, il y a comme quelque chose qui se passe. Au fil du temps, là, ça s'est... Ça se fait, mais c'est des adaptations pour le couple. C'est une petite adaptation, ça. Mais le chum est là à chaque fois. Il est là aussi pendant le test. En fait, ça nous a rapprochés quand même. Oui, j'imagine. Mais ça reste que c'est très mécanique, tout ça, tu sais. Puis c'est vrai que tu peux te sentir... tu peux te sentir dépourvu de... que tu n'es plus capable de concevoir par toi-même. Mais en fait, moi, j'avais encore cet espoir-là. Je me disais, on a même essayé, nous, l'insémination sans stimulation ovarienne. Donc, une journée qu'on était sûr de mon ovulation, on a fait une insémination. On a quand même essayé deux fois. Fait qu'on s'est dit, eux autres, c'est comme un peu de temps perdu, mais tu sais, quand c'est important. Oui, moi, c'était important pour moi. Je me suis dit, d'un coup, c'était juste un petit coup de pouce qui nous manquait, tu sais. Ça nous a pris un plus gros coup de pouce, là. Maintenant que tu es étudiante au bac en pratique sage-femme, est-ce que tu penses que ton expérience va influencer ta pratique ou ta vision des choses en tant que future sage-femme? Bien, tout l'aspect médical, on le vit. Certaines de nos clientes vont l'avoir vécu, par exemple, dans leur premier accouchement, le fait d'être dépourvues de leur pouvoir d'accoucher par elles-mêmes parce que, par exemple, ils ont eu un accouchement médicalisé en centre hospitalier où tout était pris en charge, la douleur et tout et tout. Je pense que cet aspect-là, moi, je suis beaucoup... je suis très consciente de ça et je pense que je suis en mesure de comprendre, même si, en théorie, moi, j'ai eu un suivi sage-femme. Et on entend toutes sortes de choses hein, par rapport à ça aussi. Moi, je me souviens de mon médecin de famille qui m'a l'air d'avoir une très bonne ouverture d'esprit, qui m'a dit « Ah oui, toi, tu veux faire un suivi sage-femme, mais toi, tu vas en avoir peut-être un ou deux enfants dans la vie. Mais tu sais, il y a des risques, là. » Ah oui, c'est ouais. ça, sa réponse. Et quand j'ai dit aussi à Clinique de fertilité, ils m'ont dit, bon, quel va être ton gynécologue pour ton suivi, pour ton accouchement? Non, moi, je m'en vais avec les sages-femmes. Ah, c'était comme la première cliente qu'il y avait qui allait... Tu comprends que quand tu commences dans une lignée médicale, tu retournes dans le médical pour ton suivi. Et là, tu veux le meilleur suivi, mm-hmm. fait que tu vas être suivi, tu vas avoir... full écho, tu veux avoir tout ce qui est possible, les tests de dépistage... tout ce que tu sais, alors que moi je m'en allais avec les sages-femmes parce que pour moi c'était ça qui était le plus sécuritaire, tu sais, parce que je connaissais les sages-femmes. Mais comme si dans la pensée du médecin de ton médecin de famille, il y avait plus de chances que de survie du bébé oui, avec exactement. Un gynécologue ou un médecin qu'avec une sage-femme. Exactement. Mais on sait qu'une fois que l'embryon est implanté, c'est une grossesse tout à fait normale ouais. qui se déroulait. Parce que il y a quand même des santé. Risques de fausse couche, hein? Faut savoir. Qui sont plus accrus. Moi, j'ai été chanceuse quand même dans ce processus-là. J'ai pas eu à vivre aucune fausse couche, ce qui est rare. Fait que quand tu rajoutes ça en plus, pour les couples là, qui ont fait ce cheminement-là, qui ont pris la médication... que ça fait plusieurs mois. Là, ils tombent enceintes, puis là, ils sont vraiment enceintes. Wouh! Là, ils l'annoncent partout à tous leurs entourages. Fausse couche. C'est plus qu'une, là, tu sais. Il y en a beaucoup, le taux de fausse couche. Des fois, c'est 5 sur 6. Donc, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup, ouais. Vraiment. C'est une autre épreuve de plus qui, ouais. qui se rajoute. Ben, je pense que tu vas être très empathique avec les femmes que tu vas accompagner. Est-ce que pour toi, ça a aussi changé ta façon de voir la conception, ta conception de la naissance? Est-ce que ça l'a modifié? Oui. Ouais. En fait, je vais vous raconter une autre expérience que j'ai connue pendant ce processus-là. J'ai une amie qui est tombée enceinte et qui était célibataire et qui a été se faire avorter. Imaginez, c'est une bonne amie. J'ai été obligée de ne pas la voir pendant un mois ou deux. Je n'étais pas capable. Puis je me disais, on va faire... tu sais, ta créativité avance, là. T'sais, surtout que les femmes, tu sais, le ciboulot, des fois, ils roulent vite, là, sur les scénarios, là. Je me disais, peut-être qu'on pourrait mettre le nom de mon chum comme père. Puis là, éventuellement, moi, je pourrais peut-être l'adopter. Puis là, tu cherches n'importe quelle solution pour avoir un enfant. Tu sais, ça vient. Alors... Parce que le désir d'enfant, il est tellement viscéral. Ouais, que... ouais, ouais. Alors, face à ça, la fécondation, moi, je sais des fois que les clientes, ça peut prendre un 6 mois, un an avant qu'elles retombent enceintes. Puis il y en a d'autres qu'ils vont tomber enceintes demain matin. T'sais? Fait que j'ai aussi une demi-sœur qui, elle prend la pilule puis elle tombe enceinte 3 fois. Mm-hmm. Donc, ça doit être confrontant quand tu es justement dans ce processus-là ouais. de procréation. Mais il faut être capable de se distancer aussi. De prendre le recul. Oui. Mmh. Ouais. Ben, merci infiniment, Marie-France. C'était très touchant, ton témoignage. C'était très intéressant. Je pense que ça va justement, en tout cas, en tant qu'étudiante sage-femme, ça m'amène à pousser encore plus loin ma réflexion. Donc, je voulais te remercier sincèrement au nom de toute l'équipe d'être venue nous rencontrer ce matin. Merci. Donc, on va poursuivre en chanson avec une pièce de Daniel Bélanger, La fin de l'homme, sur l'album... Je ne sais pas, je vous reviens après la pièce. J'ai jamais vu une fille pleurer autant pour un garçon, jamais vu l'amour. Créer de la haine de cette façon, ces chagrins de jour vont finir dans ceux de la nuit. Faut l'avoir marché de pas lourd, comme si chaque pied pesait sur lui. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, je t'en prie, sèche tes pleurs. Il y a 15 jours est parti celui qu'elle voulait pour longtemps, est parti celui dont elle souhaite la mort maintenant. Qu'il crève mieux qu'il souffre, qu'une file largue par des subords, que dans ses larmes comme moi s'étouffe, que le sud de la fille lui fasse du nord. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, je t'en prie, sèche tes pleurs. À qui veut bien l'entendre, elle en dit du mal autant qu'elle peut. Le con, le chien, le salaud, pas de gentillesse, pas de souvenir tendre. Il pleure et pleure encore, qu'avec toutes les larmes qui tombent, j'ai pensé calmer mes remords et fournir en eau le tiers monde. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, je t'en prie, sèche tes pleurs. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, t'en prie, sèche tes pleurs. Vous êtes de retour à C'est fou 89.1, la radio campus de Trois-Rivières. Donc, nous avons écouté plutôt la chanson « Sèche tes pleurs » de Daniel Bélanger. Nous avons eu un petit problème technique. Pour conclure l'émission, on va aller dans un autre ordre d'idée. En fait, plutôt cette semaine, nous avons rencontré une professeure du département, Mme Caroline Paquette, et puis professeure justement en pratique sage-femme à l'UQTR. On avait réalisé une superbe entrevue, mais nous ne pourrons vous la diffuser aujourd'hui. Donc, on voulait seulement vous faire écho d'un article qui a été publié dans le Campus Express qui s'intitulait du 27 janvier dernier, qui s'intitulait « Une professeure en pratique sage-femme de l'UQTR siège à un comité consultatif pan-canadien ». Donc, en fait, c'est que Mme Caroline Paquette siège depuis 2004 sur un comité de la SOGC, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, un comité sur les maladies infectieuses en lien avec la grossesse. Donc, ce comité émet des informations, mais surtout il formule des lignes directrices. Puis, comme on pouvait lire dans l'article, ces lignes directrices constituent des guides et des outils précieux pour les professionnels de la santé, pour les administrateurs, les chercheurs, les médias, et ainsi de suite. Ces lignes directrices sont vraiment aidantes pour les professionnels de la santé qui n'ont pas toujours le temps de faire toute la revue de littérature scientifique pour se mettre à jour sur un sujet. Madame Paquette a obtenu un bac en sciences de la santé sage-femme à l'Université Laurentienne à Sudbury, en Ontario, en 99. Elle a pratiqué ensuite comme sage-femme, toujours en Ontario. Puis, à son retour au Québec, elle a entrepris une maîtrise en santé communautaire, portant tout particulièrement sur l'herpès génital durant la grossesse. Et ce, tout en travaillant dans les diverses maisons de naissance comme Sherbrooke, Nicolette et Pouvoutouk. Et puis, c'est vraiment son expertise en épidémiologie qui l'a amené à être recrutée au sein du comité de la SOGC. Je veux souligner seulement qu'actuellement, elle, en plus de son poste d'enseignante au département, elle poursuit ses études doctorales en santé publique. Donc, son implication bénévole au sein de ce comité-là est vraiment... est vraiment aidant, ou c'est parce que ça contribue, les lignes directrices contribuent vraiment à la prévention, à la promotion de la santé, puis on sait que c'est une pierre angulaire du travail des sages-femmes. Donc, c'est déjà la fin de notre émission. Je tiens à remercier toute l'équipe de Connaître Ensemble, plus particulièrement à la réalisation et la recherche Maude Côté, à la technique Bronwyn Agnew, notre invitée Marie-France Beaudoin et Maude Côté. Et un merci tout particulier à Myriam Charette, Geneviève Lamarche et Marjolaine Vivendi, ainsi que Marie-France Beaudoin qui ont réalisé le travail